Bienvenue à Futur Simple, c'est François Grégoire qui vous parle. Au début du siècle passé, les géologues croyaient que les océans et les continents étaient fixes, soudés, immuables et qu'ils n'avaient jamais bougé depuis leur position d'origine. Mais un scientifique allemand ne croyait pas à cette théorie fixiste établie par les géologues et reprit en 1912 une ancienne théorie sur la dérive des continents dont les origines remontent à l'an 1595. Alors, ce scientifique est le météorologue et géophysicien Alfred Wegener, auteur du modèle scientifique qui explique la dynamique globale de la lithosphère terrestre que l'on appelle aujourd'hui la tectonique des plaques. Alors, pour nous raconter cette histoire dont les tout débuts remontent au 16e siècle pour se terminer à la fin des années 60, je reçois Jean-René Roy, astrophysicien et professeur associé au département de physique à l'Université Laval. Bonjour Jean-René. Bonne fin d'après-midi François. Alors Jean-René, si on commençait par l'histoire de cette idée, qu'est la dérive des continents? Alors je disais en introduction que la première fois dont on a évoqué ce concept remonte à l'an 1595. Alors est-ce qu'on sait qui est le premier scientifique qui a évoqué le principe de la dérive des continents et aussi comment l'idée a pu faire son chemin pendant tous ces siècles? Et aussi, comment Wegener se l'est approprié? Le premier qui a proposé le concept d'une manière qu'on peut considérer aujourd'hui scientifique, c'est Alfred Wegener, qui est le grand astronome, météorologue, géophysicien, né en 1880 à Berlin et décédé en plein cœur du Groenland en 1930, à l'âge de 50 ans, très jeune. Théorie parce que l'idée que les continents qu'on connaît actuellement aient pu être joints ensemble, elle remonte à 1596, qui est l'année du fameux Atlas proposé, où l'idée a été proposée par Abraham Artelius, qui est un géographe flamand. OK, c'est ça qui date de 1595. Oui, l'idée est tout, parce que c'était la première fois qu'on avait d'assez bonnes cartes et qu'on a vu un peu la similitude de la côte ouest africaine et de la côte est de l'Amérique du Sud. Qui semblait s'emboîter, un peu comme des pièces d'un casse-tête. Et évidemment, les gens notaient ça au fil du temps, mais comme on ne pouvait pas imaginer que ces morceaux-là aient pu être ensemble, donc on était au début du 17e siècle, juste après Ortelius, on avait peine à croire que la Terre tournait autour du Soleil. Uh-huh. Donc, encore d'avoir des choses encore plus difficiles à comprendre que les continents, des trucs qu'on considérait extrêmement solides, allaient pouvoir bouger l'un par rapport à l'autre. C'était inconcevable. Donc, qu'est-ce qui arrive? L'idée vient, les gens disent, oui, ça a l'air à matcher, cette affaire-là. Ouais. Mais personne arrive avec des évidences. Uh-huh. Que au-delà simplement des formes qui semblent correspondre, mais ce n'est pas suffisant. C'est simplement une indication d'une possible correspondance dans un passé. Mais la correspondance des formes peut aussi varier en fonction du niveau d'eau des mers, j'imagine. Exactement. Donc, ce qui arrive ici, c'est ça l'événement qui a été rapporté par l'épouse de Wegener, qui est décédée d'ailleurs à l'âge de 106 ans, il y a assez récemment. OK. Wegener a eu l'idée au début de 1911 lorsqu'il est invité par un de ses amis qui veut lui montrer son cadeau de Noël. Et le cadeau de Noël que son ami a reçu, c'est la toute dernière édition d'un atlas universel produit par le géographe allemand qui s'appelait Karl André. Okay. Et cet atlas avait quelque chose de spécial. Il incluait non seulement les formes des continents, mais aussi la forme du sous-marine. Ah bon, OK. Donc, et pourquoi? Parce que à la fin du 19e siècle, il y avait eu un navire océanographique, le Challenger, qui avait cartographié les fonds marins entre 1873 jusqu'à 1876, si je me souviens bien. Le but était de comprendre mieux les fonds marins parce qu'on étendait, on installait des câbles de transmission pour les signaux électriques, pour la communication. Pour le téléphone, c'est ça? Pour ce qui était finalement le téléphone. Donc, on a cartographié. Et l'Atlas de 1910, produit par André, incluait non seulement les formes des continents tels qu'on les connaissait depuis des centaines, mais aussi montrait les contours des continents à une profondeur de 200 mètres et de 2000 mètres. Et ça, ça l'a frappé Wegener d'une façon étourdissante. Là, il s'est dit, c'est sérieux, je dois aller au-delà de juste des formes, et il s'est mis à lire pendant une couple d'années tout ce qu'il y avait en géologie, tout ce qu'il y avait en paléontologie. Et en effet, il a réussi à assembler assez d'évidence que les couches rocheuses, les minéraux, les roches, les fossiles de plantes, les fossiles d'animaux correspondaient des deux côtés. Okay. Là, c'était pas juste la forme. Non, c'était une évidence géologique et paléontologique qui était absolument époustouflante. En fait, oui, c'est ça. Mais le problème, c'est que personne ne pouvait croire qu'on pouvait faire bouger les choses. Tout le monde pensait que c'était figé. Exactement. Rien qui bougeait. Ben, la seule chose qu'il y avait, et d'ailleurs, une des raisons qui motivait Wegener, c'était d'aller à l'encontre d'une bizarre théorie qui avait cours au 19e siècle et même au début du 20e, de la contraction de la Terre. La contraction la Terre, de la Terre se serait contractée comme quelque chose qui rétrécit. Ah bon? Et c'était le mécanisme qu'on avait pour expliquer la formation des montagnes, la genèse des montagnes. Et la comparaison qu'on faisait, c'est une vieille pomme qu'on laisse sécher et ratatiner. Et on disait, la Terre est probablement en train de faire la même chose, sauf qu'on n'avait aucun mécanisme pour ça. Il y avait une compaction, en fait, qui se faisait. L'idée, il n'y en avait aucune. Il n'y a jamais eu de contraction de la Terre. Non, donc, c'est ça. donc, c'était complètement absurde. Et Wegener, qui était géophysicien, disait que ça n'avait aucun sens. Et il y avait certaines autres choses qui intriguaient Wegener. On avait des rudiments de géologie de l'Antarctique au début du 20e siècle. Et il y avait évidence qu'il y avait des animaux, des fossiles qui correspondaient à des climats tropicaux, ouais. Équatoriaux. Et à l'opposé, en Asie, on trouvait des vestiges dans les régions proches de l'équateur qui avaient déjà eu des grands dépôts de glace. Donc, Wegener aussi, il disait tout ça, se mettait ensemble. Mais Wegener avait une autre idée, lui, qui n'allait pas trop à l'époque, même s'il était géophysicien. Il invoquait aussi une bascule importante de l'axe de rotation de la Terre en fonction du temps. Et d'ailleurs, il jouait avec ça un peu pour avoir un mécanisme pour faire bouger les masses des continents okay. vers des régions équatoriales, un peu comme quand on fait une essoreuse pour faire sortir ce qui est plus léger. OK. Mais là, on ne parle pas de précession des équinoxes, on parle vraiment d'une bascule complète. Non, c'est une bascule, pas une bascule complète, une bascule importante. OK. Et d'ailleurs, il a fait des cartes de où se trouvaient possiblement les pôles géographique à certaines époques géologiques, il y a 100 millions, 200 millions, 300 millions. Donc, il essayait de faire bouger les choses, mais il n'avait pas vraiment de mécanisme. Et évidemment, lui arrivait astronome, météorologue et météorologue. Géophysicien par auto-formation. Ça n'allait pas trop loin dans certains milieux, quoiqu'il a eu beaucoup de support parmi des gens, et même incluant quelques géologues. Des géologues, c'est ça. Oui, mais l'opposition était féroce de la part des géologues. À cause de son manque de formation dans le domaine, en fait? Un peu ça, mais aussi les géologues ne voyaient pas comment on pouvait faire bouger. Les géologues acceptaient le mouvement des couches terrestres, mais un mouvement vertical, qui monte, qui descend. Et on appelait ça l'isostasie. Par exemple, lorsque les glaces s'accumulent, le continent s'enfonce. Lorsque les glaces fondent, les glaces montent. Donc, et aussi, on connaissait mal un peu la géologie. On connaissait mal la différence de densité et de composition chimique des roches qui forment les continents et de la roche qui forme en quelque sorte des fonds océaniques qui correspondent plus à ce qu'on retrouve dans le manteau supérieur. Okay. Donc, les roches qui forment les continents sont formées de... Les différences de densité sont très faibles. C'est un peu comme la glace. Elle est juste un peu moins dense que l'eau, mais elle flotte. Effectivement. Donc, et c'est la même chose. Les continents qui sont constitués surtout de silicium et de métaux légers comme l'aluminium se retrouve à avoir une densité plus faible que ce qu'on appelle le cima, qui est en dessous, sur lequel flottent le cial des continents. Donc, le CIMA, qui est surtout silicium et magnésium, qui donne légèrement une densité plus élevée à ça. Donc, il avait toutes les évidences mises de l'avant, mais il y avait une objection d'abord qui était presque culturelle de la part des géologues. Uh-huh. Et aussi, il n'y avait pas de mécanisme encore. Et à l'époque, est-ce que vous connaissez aussi la force des marées provenant de la Lune, en fait, l'attraction de la Lune, ouais, qui peut quand même soulever un peu... Oui, mais il y avait, en fait, invoqué ce genre d'argument-là, mais ça ne donnait lieu qu'à un mouvement vertical. Et ouais, okay. À l'heure actuelle, ça n'avait aucune influence et ça ne pouvait pas faire bouger les continents. Et l'autre chose, Wegener faisait des prédictions en bon scientifique et il prédisait que les déplacements... des continents, entre autres du Groenland, d'où son intérêt immense pour le Groenland, serait de quelques mètres par année. Et de plusieurs mètres par année, en fait. C'est beaucoup, là. C'est beaucoup parce qu'on sait qu'aujourd'hui, les déplacements des continents qu'on peut mesurer sont seulement de quelques centimètres par année. Donc, il faisait une prédiction qu'il pensait être possible de mesurer en regardant le temps de propagation des signaux électriques à travers les câbles sous-marins qui étaient déjà installés. Et de voir, en comparant les signaux d'une station au Groenland, qui est déjà installée, les comparer quelques années plus tard, en principe, on devait pouvoir mesurer un déplacement du Groenland par rapport soit à l'Europe ou à l'Amérique du Nord sur une période de quelques années. Et il y avait quand même, c'était complexe, il y avait beaucoup d'erreurs et tout, et en effet, le déplacement était énormément plus petit, plus faible que ce que Wegener invoquait. Et finalement, qu'est-ce qui a fait que qu'est-ce qui a amené les géologues à finalement accepter son hypothèse, son modèle? Okay. Donc, l'acceptation se fait dans les années 60. Moi, je me souviens, comme jeune étudiant, les débats étaient absolument incroyables. C'est quand même récent. Oui, c'est récent. C'est très récent. Mais le cheminement s'est fait un peu lentement et péniblement. Beaucoup se sont ralliés. Et d'ailleurs, juste avant de finir, il y avait aussi un antagonisme national, entre autres, parce que Wegener était allemand. Il n'était pas seulement perçu comme quelqu'un qui n'appartenait pas à la discipline, mais était allemand, et l'Allemagne avait perdu la guerre. Ah, OK. Donc, il était plutôt mal vu des anglo-saxons, okay. Sauf que la théorie qu'il proposait de déplacement des continents. Il n'a jamais utilisé le mot dérive qui était ajouté. Il appelait le déplacement des continents. Cette théorie était relativement bien acceptée par les géophysiciens de Grande-Bretagne et même certains géologues, de même que ceux d'Australie, certains géologues et du Canada. C'est du côté américain que l'opposition était féroce de la part des géologues. Est-ce qu'il y avait une raison? Oui, ce sont des écoles. Okay. Des écoles un peu de pensée. Il y avait quand même cette dimension nationaliste derrière tout ça. Et on n'aimait pas Wegener parce qu'il était allemand. Ouais. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que on fait un meilleur relevé géologique et géophysique de certains phénomènes, entre autres les tremblements de terre. Ben oui, effectivement. On cartographie où ont lieu les tremblements de terre à partir des premières décennies du 20e siècle. Et on cartographie leur épicentre. Et après quelques années, on a de milliers de positions d'épicentre. On se rend compte que ça correspond exactement aux bordures des continents. Ah bon, OK. Où se font les grandes montagnes, comme les Andes, comme les Rocheuses et certaines autres. Donc, on se rend compte que c'est là que où lèvent les nouvelles montagnes, où sont les plus jeunes montagnes, que le plus grand nombre de tremblements de terre. Et il devait y en avoir dans l'eau aussi, j'imagine. Oui, il y en avait dans l'eau. Et on se rend compte aussi que volcans, les dorsales médio-océaniques forment des lignes en plein milieu des océans. Le grand archipel d'Hawaï qui s'étend jusqu'aux Aléoutiennes, c'est une dorsale médio-océanique. Et on se rend compte que c'est là que montent les laves, s'étendent comme un tapis roulant dans les fonds océaniques, arrivent sur les côtes et s'enfoncent en dessous. En dessous des côtes. En dessous. Parce que les continents sont plus légers. Ah, donc, ben oui. Comme quelque chose de plus lourd, ça passe en dessous. Mais en même temps, c'est très dense en dessous. Ça va soulever la côte pour produire des grandes cordillères. Donc, tout d'un coup, en invoquant le mécanisme, on peut expliquer l'orogenèse. On oublie l'histoire de la patate qui rapetisse et qui ratatine. Oui, donc, ou la pomme. Ou la pomme. Okay. Donc, première chose, c'est un argument de la cartographie et toute la séismologie et la séismographie qui nous permet de positionner les centres d'activité. L'autre chose, c'est aussi la possibilité de cartographier le magnétisme. Ah oui, OK. Donc, on cartographie aussi le magnétisme des fonds marins. Et on se rend compte que le champ magnétique, est, en fait, s'inverse de temps en temps. Ah oui. Et change. C'est un phénomène indépendant. Et on se rend compte qu'on peut utiliser ça un peu pour dire où étaient les roches il y a un certain temps. On peut dater l'âge des roches avec la radioactivité qui est arrivée au début du 20e siècle. OK. Et on peut savoir où sont les roches. Et on se rend compte que les roches se sont déplacées. Et c'est comme des petites boussoles qu'on a mis, okay. Puis qu'on peut retracer avec le temps. C'est comme des petites boussoles qui sont mobiles quand elles sont en fusion, j'imagine. Quand la roche est en fusion, le magnétisme est au hasard. Okay. Et quand la roche fige, l'aiguille, entre guillemets, de la boussole, que ce sont des petits grains de magnétite, qui sont comme des aiguilles, s'enlignent et gardent l'orientation qu'ils avaient, okay, lorsque la roche s'est solidifiée. Okay. Et donc, on peut regarder, non seulement indiquer qu'il y a un tapis roulant, mais on peut aller partout le long de ce tapis roulant et savoir à quel âge ça s'est fait, tout ça. Ah, ben oui. Donc, on a fait le paléomagnétisme et on a daté tout l'événement. Donc, ces deux grands systèmes de géophysique qui sont venus de la séismographie et du paléomagnétisme, l'étude de l'histoire du champ magnétique, ont finalement donné crédibilité à toute la théorie. Maintenant, comment tout ça fonctionne? Oui, bien, c'est un fait, c'était ma prochaine question. En fait, quel est le phénomène qui alimente le mouvement des plaques tectoniques? En fait, l'énergie vient d'où pour faire bouger tout ça? Ça vient des éléments radioactifs à l'intérieur de la Terre. Désintégration radioactive qui produit de la chaleur, l'intérieur de la Terre est liquide. OK, pourtant, ils ne sont pas en si grande concentration que ça, non? Il y en a suffisante. Et d'ailleurs, l'intérieur, le centre de la Terre est à une température de 5000 degrés. OK. OK. Et si vous allez à quelques centaines de kilomètres sous la surface de la Terre, la température est à 1000 degrés Celsius. OK. Il fait chaud à l'intérieur. Il fait très chaud à l'intérieur. Et c'est dû... en bonne partie à la désintégration radioactive, des éléments radioactifs qui sont là depuis le début, la formation de la Terre, et aussi un petit peu à certains phénomènes de cristallisation qui, se faisant, libèrent de l'énergie. Okay. Et ça, finalement, c'est que l'intérieur de la Terre est liquide, mais le manteau est inférieur, lui, il est plutôt solide, il est plastique. Et c'est ça que les gens avaient de la misère avec l'idée de Wegener. Wegener a passé beaucoup de temps sur les glaces. Il savait que c'est pas parce que c'est dur que ça bouge pas, c'est ça coule pas. C'est ça. Il avait réalisé... On voit les glaciers. Il avait observé des glaciers qui avançaient de plusieurs mètres par jour au Groenland. Donc, pour lui, c'était pas un problème. Et d'ailleurs, c'était une partie de son argumentation que les gens distinguent ces aspects-là, que quelque chose peut être dur et bougé. Ben oui. Donc l'intérieur de la Terre, pour revenir à l'idée, c'est un peu comme des grandes cellules qui se mettent à bouillir. Donc, comme quand vous chauffez l'eau dans votre casserole, bon, ça réchauffe. À un moment donné, il y a tellement d'énergie qui va dans l'eau que simplement la pure radiation ne suffit pas à évacuer. Donc, l'eau se met à bouillir. Donc, l'intérieur de la Terre est comme ça. Okay. Sauf qu'au lieu d'être un liquide comme l'eau, c'est de la roche. Mais qui est fondue. Et qui est fondue. Et le mouvement n'est pas aussi rapide que les bulles de votre casserole. Ouais, le mouvement n'est que de quelques centimètres c'est par plus année. Visqueux, là. C'est ça. Donc, ça tourne, vous imaginez, de grandes cellules, à peu près la dimension, en fait, des continents et des océans. Ah, ouais. Où le magma monte de l'intérieur, ça tourne et ça rentre, par exemple, aux endroits qu'on voit, comme la côte du Pacifique, de l'Amérique du Nord et de l'Amérique du Sud. Et aussi, parce que aussi le continent est en train de bouger, entre guillemets. Donc, tout ça est assez complexe. Et il faut dire que toutes ces idées-là tombent ensemble assez rapidement. Au début des années 60, la controverse est très, très forte, mais les arguments massus arrivent en faveur de toute l'hypothèse. Et depuis lors, on a travailler beaucoup plus pour comprendre les mécanismes qui se passent à l'intérieur de la Terre pour expliquer ce grand phénomène. Et est-ce que ces mouvements-là peuvent être à long terme très cycliques, ou c'est parce qu'on a déjà parlé de la Pangée où tous les continents étaient reliés ensemble? Maintenant, ils s'éloignent, mais est-ce qu'ils pourraient se rapprocher? Absolument. Ils vont se séparer, se rapprocher. Ça se fait sur des périodes d'à peu près de quelques centaines de millions d'années. Donc, le dernier moment où on était ensemble, un peu, ça fait quand même pas si longtemps que ça. 300 millions d'années. Entre 300 et 360. C'est à l'époque du Carbonifère. Quand le charbon s'est formé. Donc, c'est récent. Et on retrouve d'anciens continents différents il y a 800 millions d'années et un peu d'autres. Ça devient de plus en plus difficile de remonter aux vieux morceaux. D'accord. Et les continents, à ce moment-là, à force de faire ce mouvement de va-et-vient, j'imagine qu'ils changent de forme probablement. Oui, ils vont se casser, comme on pense qu'il se passe maintenant avec la grande faille dans l'est de l'Afrique. The Great Rift, qu'on décrit en anglais. Et aussi, les continents viennent ensemble. Mais l'essentiel des continents, tels qu'on les connaît aujourd'hui, date de plusieurs milliards d'années. Uh-huh. Nous, ici, là, surtout si on va dans les Laurentides, on a le bouclier laurentien, sont des roches de 2, 3, 4 milliards d'années. Plus aller vers la baie du Son, plus c'est vieux. Donc, ces morceaux-là sont intacts, entre guillemets, depuis le tout début de la formation des premiers continents, lorsqu'il y a eu différenciation dans les roches qui forment la Terre, les minéraux les plus légers ont émergé pour former les continents sur lesquels on vit, qu'on habite, et qui n'occupent d'ailleurs qu'une assez petite fraction de la surface de la Terre. Si on regarde, si vous tournez, on regarde un globe terrestre, souvent on regarde le côté Amérique, Europe et tout, mais si vous le tournez de moitié, vous voyez que de l'eau. Le Pacifique occupe la moitié du globe. Submergé, c'est donc, ça. Et Jean-René, le temps passe et j'ai encore quelques questions. La tectonique des plaques, est-ce que c'est un phénomène qui est envisageable aussi sur les autres planètes? C'est une question fascinante. Ouais. À l'heure actuelle, la seule planète qu'on connaisse, rocheuse, qui a la tectonique des plaques, c'est la Terre. Ah bon? Oui. Il n'y a rien sur Mars. Vénus, en toute surprise, en a pas. Okay. Est-ce que ça, c'est parce qu'il n'y a pas d'isotope pour produire cette énergie? Il y a probablement d'autres choses qui rentrent en ligne de compte. Ah. Composition des roches, probablement présence d'eau et tout. Parce que la composition chimique des roches de Vénus est la même. Et le volcanisme est très intense sur Vénus. Okay. Il y a des volcans colossaux sur Vénus, des volcans de 8000 mètres comme on a ici. Donc, et la même chose sur Mars, il y a de grands volcans. Il y a eu de grands volcans, mais la Lune, tout est éteint. Là, il n'y a jamais eu de tectonique des plaques. Ça n'a jamais été probablement assez gros, une masse assez grande pour avoir une radioactivité interne suffisante pour générer l'énergie pour produire une tectonique. Mais il y a eu du volcanisme sur. Il y a eu assez pour amener. Donc, on dirait que ça demande une espèce de quelque chose d'additionnel pour démarrer les bulles qui circulent. Donc, mais il y a une tectonique, qu'on pourrait dire, des glaces. Ah oui? Sur des glaces, les satellites, les lunes de Jupiter, Saturne et Pluton. Parce que là, on a une composition avec beaucoup d'eau. Okay. Et aussi d'autres molécules qui sont sous forme liquide, comme on en a parlé, ou solide, on en a parlé à la dernière émission, donc de CO2, etc. Et du méthane. C'est ça. Donc, et on pense que l'intérieur est liquide et qu'il y a aussi soit un chauffage par force de marée ou par radioactivité. Et il est évident que sur les lunes de Jupiter comme Ganymède et Europe, qui sont toutes craquelées un peu, comme ici sur les glaces en hiver, il y a une tectonique des glaces, un peu de nature analogue à la tectonique des roches, entre guillemets, qu'on a sur Terre. Jean-René, par curiosité, il nous reste quelques secondes. En fait, je sais que dans votre livre sur la science qui surprend, éclaire et dérange, vous avez consacré un chapitre complet à cette théorie. Pourquoi? J'ai les deux pieds sur la Terre comme astrophysicien. Et j'ai toujours aimé la géologie. J'ai travaillé 3 étés de 4 mois en exploration des roches de l'Abitibi. Ben, écoutez, merci Jean-René Roy pour ces explications. C'est toujours un plaisir de vous recevoir à Futur Simple. Je rappelle que vous êtes astrophysicien et professeur associé au département de physique à l'Université Laval et que vous êtes l'auteur de nombreux livres, dont le dernier sur la science qui surprend, éclaire et dérange. Et dans quelques instants, nous, Cyril Barrette, ce sera l'invité de Valérie Levé. Alors, restez avec nous. Merci, Jean-René.